Je suis pieds dans ma maison, pieds dans ma maison. Je me promène de la chambre au salon. Je suis pieds dans ma maison, pieds dans ma maison. J'aime prendre l'air des orteils aux talons. J'habite un coin de chemin où les cailloux sont durs. Les cailloux sont durs. Trop gelés, trop tranchants, il me faudrait des chaussures. Il faudrait des chaussures. Je me rappelle la dernière fois que j'ai tenté l'aventure. Mes pauvres petits petons ont subi la torture. Je suis pieds nus dans ma maison, pieds nus dans ma maison. Je me promène de la chambre au salon. Je suis pieds nus dans ma maison, pieds nus dans ma maison. J'aime prendre l'air des orteils aux talons. J'irai bien en ville, mais là, j'ai pas fière allure. Pourtant, je dois aller porter ma candidature. Un boulot peinard dans un petit coin de verdure. Moi et mes pieds on postule dans la pisciculture. Je suis pieds nus dans ma maison, pieds nus dans ma maison. Je me promène de la chambre au salon. Je suis pieds nus dans ma maison, pieds nus dans ma maison. J'aime prendre l'air des orteils aux talons. Faut-il attendre qu'arrive une meilleure conjoncture, que le gouvernement se décide à réduire la fracture. Alors je profite de ma liberté entre quatre murs, en attendant une remontée des températures. Ça se passe dans un petit bled qui s'appelle l'encens vert corps. Il y fait encore plus froid que dans ton congélateur. Et Edelman, pour s'y tenir au chaud, il faut faire du sport. C'est sur les plages de Zion que je veux allonger mon corps. Écoute-moi bien, man, un jour j'irai là-bas car j'en aurai ma claque. Même si pour ça faut braver les vagues d'océan. Kayak, les 10 doigts de pied dans la mer, c'est mieux que les bottes dans les flaques. No problem, man, je te drop ma doudoune contre un hamac. Je suis pieds nus dans ma maison, pieds nus dans ma maison. Je me promène de la chambre au salon. Je suis pieds nus dans ma maison, pieds nus dans ma maison. J'aime prendre l'air des orteils aux talons. Pieds nus, oh. Pieds nus.